What? If you take something, it's a set. Somebody kiss my boss. Et le gars, c'est narco converti, c'est chaud au micro. Bientôt fini le topo à 2€ qu'on trouve d'un closer chez les marchands de journaux. Je pars au galop sur le beat, mais pas en recul à un média, un trottinage jusqu'à Frontinia. Je me présente au guichet avec du culot, puisqu'ici y'a que ça qui marche. Je vais pas te faire un tableau, un simple truc tête. Parce que je vais causer des dommages collatéraux, Staline contre la justice. Attaque-toi plutôt, libéraux, et puis princesse pour le système. En passant par les raccros, accro, pour une autre, lâche le morceau. L'instru, j'essaie de pas déconner comme Camaro. Je lâche mon numéro si tu promets de ne pas être accro. Sinon, je te baille au Nouvel Croc, car je suis le seigneur, mais pas des anneaux, juste du micro. Je nettoie pas mes lunettes au plumeau, voilà pourquoi j'ai une vision folklorique. Je m'agite, merde, c'est à cause de ma rap pharyngite que je débite à une allure, je m'applique pour allumer toutes ces bites qui ne comprennent pas que le shit. Je fais par sa voix la langue de l'Amérique, je distribue des marguerites à tous ceux qui respectent les vertiges de ma clique. Ceux qui nous méritent, nous respectent. J'inspecte tout ce qui pénètre dans mon rap, je désinfecte mon territoire honnête. Tout ce qui disent que le rap des vertiges c'est de la merde. Qui c'est qui a dit que le rap des vertiges c'est de la merde?